Embaucher sans embûche, c'est encore possible? Comment être plus vert sans être dans le rouge? Ou trouver de bonnes informations sur les formations? Être chef d'entreprise, c'est se poser beaucoup de questions. Avec le mouvement des entreprises de France, vous n'êtes jamais seul pour y répondre. Pour en savoir plus, rendez-vous sur medef.com. France Inter. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, le crash de la Germanwings, ou l'histoire d'un pilote qui a choisi de se suicider en écrasant son Airbus contre une montagne, provoquant la mort de 149 passagers et membres d'équipage qui n'avaient rien demandé, précipitant leurs proches et leurs familles dans le malheur. C'est l'histoire d'un drame qui intervient à une période où les catastrophes aériennes se multiplient. La disparition inexpliquée du vol de la Malaysian Airlines, puis un autre avion de cette compagnie abattu par un missile au-dessus de l'Ukraine, l'appareil d'Air Algérie désintégré en plein orage au-dessus du Mali. 2014 est une année noire pour l'aviation civile, avec plus de 1300 morts. Et voilà que ce 24 mars 2015, la série semble continuer. Sauf qu'il ne s'agit pas là, à proprement parler, d'un accident, mais d'un suicide-homicide de masse, comme le qualifient les experts psychiatres. Mais quelle folie s'est donc emparée d'Andreas Lubitz pour que cet adolescent prometteur devienne ce jeune homme torturé, prêt à sacrifier des vies humaines dans un dernier acte apothéotique? Et quelles leçons l'aviation civile en a-t-elle tiré? Notre invité aujourd'hui, Michel Polaco, ancien journaliste à Radio France, expert en aviation et, disons, passionné par tout ce qui vole. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Marjolaine Korff, coordination Franck Cognard, chargée de programme Rebecca Denante, réalisation Stéphane Combe. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. L'avion qui les survole est étrangement bas. Un agriculteur, Jean-Pierre Roux, lâche à son ouvrier. Oh, lui, il va pas passer la sèche. Du nom d'un sommet montagneux situé derrière son hameau. Inquiétant. Cela dit, un peu plus loin dans la forêt, Sébastien, bûcheron dans le massif des Trois Évêchés, se fait la même remarque. Ça ne passera pas. Pourtant, aucun n'entend de choc, ni d'explosion. Plus tard, ils apprendront que cet avion qui assure la liaison Germanwings entre Barcelone et Düsseldorf et qui a décollé à 10h01 en Espagne n'a effectivement jamais franchi le massif. Non. Il s'est crashé au niveau de la tête de l'Estrop, un sommet qui culmine à 2961 mètres d'altitude. Aucune fumée, aucune odeur de kérosène, uniquement des débris terriblement petits. C'est guidé par des Mirage 2000 que l'équipage a retrouvé difficilement le lieu de l'impact de l'A320. Christian Vigne, le mécanicien de bord, s'attendait à voir une carcasse d'avion presque entière. Bon, on a vu des petites fumerolles, c'est ce qui nous a guidé un petit peu quand même. Mais c'est vrai que c'est pas évident comme ça de loin à repérer l'impact. Et après, quand on s'est approché, petit à petit, on a vu des milliers de morceaux. Et là, on s'est dit, c'est pas la police, c'est presque... Lorsqu'ils se sont engagés dans cette combe à 2000 mètres d'altitude, très escarpée, tout ce qu'ils ont vu, c'est ça. Des débris, des bouts de ferraille, de petits morceaux de fuselage et des restes humains. Tu vois quelques morceaux, là, on voit quelques morceaux d'aile, a priori, hein, avec un peu de rouge dessus. Alors, on dirait qu'on voit un peu d'immatriculation. Alors donc, nous, on était là pour, au cas où, récupérer des survivants, mais c'était impossible. L'avion s'est écrasé dans des combres ravinés, pelés, des moraines de glaciers aux couleurs de cendres. Un sol fait de miettes d'ardoise où personne ne s'aventure, sauf les bouquetins. C'est donc ici, dans les Alpes de Haute-Provence, entre Barcelonnette, Serponçon et Digne-les-Bains, que s'est écrasé l'avion du vol 95-25 avec 150 personnes à bord. Pourtant, c'était un vol de routine, l'un de 2000 opérés chaque jour par la Lufthansa et sa filiale Germanwings. Après son décollage de Barcelone, une fois la vitesse de croisière atteinte, un dernier contact est établi avec la tour de contrôle de Marseille. Après cet échange, l'avion remonte la vallée du Rhône, mais les contrôleurs remarquent une modification de l'altitude de l'appareil. le radar signale une baisse constante, régulière, de près de 18 mètres par seconde. Il est 10h35, ce mardi 24 mars 2015. Le vol 95-25 est passé de 11 600 mètres à 7 500 mètres d'altitude, ce qui est tout à fait anormal. Alors, les contrôleurs aériens déclenchent la procédure d'urgence, tentent d'entrer en contact avec le pilote. Mais rien, silence total dans le cockpit. Il est 10h40 lorsque l'avion passe sous les 900 mètres d'altitude et échappe au radar. Les contrôleurs aériens ne peuvent plus le suivre. À 10h49, un avion de chasse décolle de la base d'Orange pour tenter d'entrer en contact avec la 320. Mais il ne détecte aucun signal du radar autonome embarqué dans l'Airbus. Et pour cause, l'avion n'existe plus. Les conditions météo étaient excellentes, c'est à n'y rien comprendre. Un ciel dégagé, pas de vent, pas de cumulonimbus. La veille, l'avion avait été l'objet d'une inspection, bref, tout allait bien. Le commandant de bord, Patrick Sondenheimer, 34 ans, était chevronné. Il cumulait plus de 6000 heures de vol. Quant à son copilote, Andreas Lubitz, c'était un jeune homme récemment entré dans la compagnie, bien noté. Lors de la conférence de presse qu'il donnera après le crash, Carsten Spohr, le patron de la Lufthansa, parlera de lui en ces termes. Il y a 6 ans, il y a eu une pause assez longue pendant sa formation. Mais ensuite, quand il a repris l'entraînement, nous avons pu recontrôler ses compétences. À la fin, il était 100% apte au pilotage. Ses performances étaient irréprochables. Il n'y avait pas d'anomalie. Andreas Lubitz, c'est lui la clé du mystère. Personne n'a encore compris et même ne peut imaginer le rôle qu'a tenu ce copilote dans ce crash inexplicable. Pour l'heure, les premiers secours tâchent de rejoindre le site de l'accident. 35 militaires et gendarmes sans corde et marchent plus de 2 heures en caravane sur le sol glissant et trompé par la fonte des neiges. 7 kilomètres de marche difficile pour rejoindre cette combe où les attendent des milliers de débris. La scène du crime, car il s'agit bien de cela, s'étend sur 4 hectares. Les sauveteurs ne savent pas encore que 33 000 morceaux humains gisent sous leurs yeux dans la poussière et les décombres. Pour l'heure, il faut retrouver les boîtes noires pour comprendre. En contrebas, Seine-les-Alpes, la commune la plus proche du drame, s'est transformée en fourmilière. Le QG de campagne des secouristes et des enquêteurs s'installe là. Les habitants aussi se plient en 4. Ils s'engagent immédiatement à accueillir les familles des victimes chez eux. 3000 lits sont proposés. Une professeure d'allemand de Marseille débarque, elle, pour servir d'interprète. La solidarité s'organise spontanément. Quand enfin, la première boîte noire est élitreillée, elle va pouvoir révéler les détails du vol. Cette boîte, en réalité de couleur orange, contient un enregistrement des conversations des pilotes. C'est au BEA, le Bureau d'enquête et d'analyse, que revient le travail de décryptage des derniers instants. Ces enquêteurs seront les premiers à découvrir les raisons du crash. Andreas Lubitz a manœuvré pour provoquer sciemment l'accident, sa mort et la mort de 149 personnes. Sur la bande-son, les enquêteurs entendent d'abord une discussion banale entre le pilote et son copilote. Ils évoquent leur prochain vol, échangent avec une hôtesse de l'air. Puis, quand l'appareil atteint sa vitesse de croisière, le commandant de bord propose à Andreas Lubitz de prendre en charge la préparation du briefing d'atterrissage. Ensuite, on entend le fauteuil du pilote reculer. Il s'éclipse aux toilettes et laisse les commandes à son collègue. Mais plus jamais il ne reviendra dans le cockpit. La porte verrouillée ne se rouvrira pas. Depuis le 11 septembre 2001, les portes des cockpits sont blindées pour éviter toute intrusion terroriste. Les cabines sont ainsi devenues des forteresses. Oh, il est loin le temps où l'on pouvait, si on avait la chance, faire une partie du vol avec les pilotes. Une expérience extraordinaire. À son retour des toilettes, Patrick Sondenheimer, le pilote, compose le code d'accès qui lui permet d'ouvrir la porte. Mais cette dernière est bloquée, protégée de l'intérieur par un verrouillage activé par Andreas Lubitz. Le commandant frappe alors à la porte. Aucune réponse. Puis il compose un second code prévu pour débloquer la porte. 5 secondes à utiliser en cas d'urgence. Mais celui-là aussi a été bloqué. Par l'Ubitz. Alors le commandant frappe, hurle, puis tente de détruire la porte avec une hache. Et derrière, les passagers s'affolent. L'Ubitz, lui, reste mutique. Comme le raconte le procureur de Marseille, Brice Robin. Il n'y a eu strictement aucune réponse. Aucune réponse. Changer le code du transpondeur, aucune réponse. Alerte sur la perte d'altitude, aucune réponse. Aucun mot. Je répète, c'est le silence total. On n'a pas le sentiment qu'il y ait eu une panique particulière, puisque la respiration est toujours la même. A priori, il respirait normalement. C'est pas une respiration de quelqu'un qui est en train de faire un infarctus, si vous voulez. Il n'avait a priori aucune raison d'empêcher son commandant de bord de revenir dans la cabine de pilotage. Il n'avait aucune raison de refuser de répondre au contrôleur aérien qui l'alertait sur sa perte d'altitude. Il n'avait aucune raison de refuser de taper un code qui permet de rendre l'avion prioritaire par rapport à l'ensemble des avions dans la zone. Enfin, ça fait beaucoup. La stupéfaction est générale. C'est donc un homme seul qui a fait abstraction de toutes les alertes pour volontairement crasher l'avion et ses passagers. Un homme qui a résisté aux coups donnés à la porte, aux cris, aux bips stridents des appareils de contrôle, aux tentatives de prise de contact radio des contrôleurs de Marseille, à la voix synthétique répétant mécaniquement « pull up » pour qu'il redresse l'altitude. C'est donc bien un acte volontaire, conscient. 26 secondes après le départ du commandant de bord aux toilettes, Andreas Lubitz a modifié l'altitude. Et durant 10 minutes, il a regardé l'avion plonger vers la montagne en réglant juste la vitesse pour la maintenir à 700 km/h. À cette vitesse, entre l'instant où le nez de l'avion tape la paroi rocheuse et celui où s'encastrent les 42 mètres de fuselage, il s'écoule seulement 1/125e de seconde. Une fragmentation exceptionnelle, l'avion est pulvérisé. Alors le monde entier s'interroge. Mais qui était cet Andreas Lubitz? Ce jeune homme de 27 ans, au visage encore poupin, est issu d'une famille aisée. Il grandit dans une belle maison blanche avec son frère et ses parents, dans une commune à l'est de Koblenz, en Allemagne. Une vie sans histoire pour un adolescent déjà féru d'aviation. Les figurines dans sa chambre, les posters d'avion, depuis toujours, Andy, comme l'appellent ses proches, veut être pilote pour la Lufthansa. À 14 ans, ses parents l'inscrivent au club de vol. L'adolescent y passe ses week-ends avec d'autres mordus de son âge. Ce garçon est également bénévole chez les pompiers. Il cumule aussi les petits boulots pour se payer ses cours de vol, justement, et les brevets de pilote. Le A, le B, le C, il les passe tous. Il est décrit comme discret, introverti et sportif. En 2007, il passe son bac. Ça y est, les choses sérieuses peuvent commencer. Il entame sa formation de pilote. Huit ans s'écoulent entre le début de son parcours de pilote et celui où il s'est crashé volontairement contre une montagne. À Marseille, le jour du drame, les familles arrivent dans des avions affrétés par la Lufthansa. On dénombre 18 nationalités différentes parmi les passagers, dont une majorité était allemande ou espagnole. 7 bus les conduisent jusqu'à Seine-les-Alpes, où 2 chapelles ardentes ont été aménagées. Des prêtres, des imams, des rabbins et des pasteurs les y accueillent. La famille d'Andreas Lubitz, elle, est conduite à part, sans croiser les autres proches de victimes. Sur le terrain, 500 gendarmes s'activent pour déblayer et trouver la seconde boîte noire. Les premiers restes humains sont héliportés pour rejoindre une chaîne d'identification post-mortem. La gendarmerie a installé un laboratoire d'analyse ADN mobile, le premier du genre. Et les familles ont été prévenues. Le travail d'identification des corps sera long et fastidieux. Elles devront patienter peut-être plusieurs semaines. D'ailleurs, en arrivant, les proches se livrent à un prélèvement ADN pour établir les premières identifications. En tout, 4000 prélèvements et 1000 éléments dentaires sont analysés. L'opération est confiée à une société américaine de pompes funèbres, chargée de reconstituer au mieux les corps dans les 150 cercueils. En réaction à ce drame sidérant, Dans les heures qui suivent l'accident, les compagnies du monde entier prennent la décision d'imposer de nouvelles règles. Deux jours plus tard, la Direction générale de l'aviation civile et des responsables de la sûreté des grandes compagnies aériennes se concertent et décident que dorénavant, il faudra toujours compter deux personnes dans le cockpit. C'est la première compagnie française à franchir le pas. Dorénavant, sur les vols corsaires, la présence permanente de deux personnes dans le cockpit sera une obligation. Plus question donc de laisser seul aux commandes le pilote ou le copilote, quitte à faire appel à une hôtesse ou à un steward, comme le fait déjà la compagnie Ryanair. Hier, c'est la compagnie norvégienne qui la première a fait ce choix, très vite rejointe par des poids lourds du transport aérien, Emirates, EasyJet et même la Lufthansa, comme toutes les compagnies allemandes et autrichiennes. Au Canada, c'est la ministre des Transports elle-même qui souhaite appliquer la mesure à toutes les compagnies du pays, comme cela se fait déjà aux États-Unis depuis les attentats du 11 septembre 2001. Et ce soir, Air France annonce qu'elle va mettre en place dans les meilleurs délais cette présence obligatoire de deux personnes dans le cockpit, une procédure préconisée par l'Agence européenne de sécurité aérienne. Le village ne dort plus, l'activité est incessante. Aux côtés des secouristes et des familles, des journalistes du monde entier se pressent pour suivre le déroulement d'enquête. Et tous, oui, tous se posent mille questions sur les raisons de ce crash qui semble, selon les premiers éléments, être volontaire. Alors la même question tourne en boucle, qui était ce Andras Lubitz? Les réponses qui arrivent au fil des jours suivant le crash vont soulever d'autres questions concernant la sécurité des vols, la santé mentale des pilotes. Aujourd'hui, le crash-suicide de l'avion de la Germanwings. France Inter, affaires sensibles. Lorsqu'il entame sa formation après le bac en 2008, Andreas Lubitz quitte sa ville, ses parents et sa petite amie Catherine pour rejoindre le centre de formation de la Lufthansa à Brême, à 400 km de là, au nord. Et c'est parti pour un stage théorique intensif, puis un stage pratique à Phoenix, aux États-Unis. Ce moment tant attendu, la concrétisation d'un rêve devrait le combler. Mais c'est tout l'inverse qui se produit. L'éloignement avec ses proches lui pèse. Quelques mois après son arrivée, esselé dans son petit appartement d'étudiant, il se met à fixer sur les bruits de la rue, les appareils électriques autour de lui, enfin tout l'agace. Et tout l'empêche de dormir. Il connaît ses premières insomnies. et la situation devient intenable. Lubitz interrompt même ses études. Il lui faut 18 mois de traitement psychiatrique pour surmonter cet épisode dépressif grave et toutes ses crises d'angoisse. Un vrai passage à vide, mais dont il parvient à s'extirper. Et tout cela, la Lufthansa le savait. Le 20h de France 2 s'en fait l'écho. Lufthansa était donc informée du passé dépressif d'Andreas Lubitz. La compagnie l'a reconnu elle-même cet après-midi dans un communiqué. En 2009, alors élève de l'école de pilotage, il avait informé l'établissement d'un épisode dépressif sévère mais décroissant en fournissant des documents médicaux lors de la reprise de sa formation. Cette formation, Andreas Lubitz, filmé ici lors d'un vol en planeur, l'avait effectué au sein même de l'école de pilotage de la compagnie aérienne allemande. Pourtant, deux jours après le crash de la 320, la direction de Lufthansa ne mentionnait en aucun cas la dépression de son copilote. Ce passage à vide provoque la rétrogradation de Lubitz de plusieurs niveaux au sein de sa formation. Pour reprendre le cours de ses études, le futur pilote doit repasser des tests de sélection et ceux de la Lufthansa sont réputés drastiques. Au programme, une batterie d'épreuves de mathématiques, de physique, des expériences destinées à mesurer la résistance au stress, la capacité à faire équipe et son attitude en cas de conflit. Les élèves qui réussissent les tests sont reçus pour des entretiens individuels conduits par des psychologues. Et là encore, ils sont réputés pour être parmi les plus difficiles du monde. Eh bien, Andreas Lubitz les réussit. Il est habilité à reprendre ses études. Mais son dossier porte désormais la mention SIC, qui se traduit par « nécessité d'un suivi médical régulier spécial ». L'apprenti pilote peut donc poursuivre sa formation sans rechute. Une période durant laquelle il cumule 500 heures de vol. Il décroche un second brevet de pilotage par l'administration américaine lors de son passage à Phoenix, en Arizona. Tout au long de ce parcours, il est donc bien noté. Apte à voler. À son retour en Allemagne, à la fin de ses études, comme beaucoup de ses collègues fraîchement diplômés, Andy devient steward en attendant qu'un poste de pilote se libère. Et finalement, c'est la Germanwings, la filiale low cost de la Lufthansa, qui lui offre la possibilité de concrétiser son rêve. Enfin, à 26 ans, il devient un copilote et la vie peut commencer. Il s'installe à Düsseldorf avec sa petite amie Catherine et assure des vols moyens courriers en Europe. Dans une interview donnée quelques jours après le crash, le patron de la Lufthansa déclarait « Nous laissons beaucoup de place à l'aspect psychologique pendant la formation ». Mais une fois en service, les pilotes ont une visite médicale une fois par an. Et il n'y a plus d'évaluation psychologique. Mais la perquisition qui a lieu chez Andreas Lubitz au même moment va lui démontrer l'erreur tragique que représente ce choix. Plusieurs années avant d'obtenir son brevet de pilotage, le copilote a suivi un traitement psychothérapeutique en raison de tendances suicidaires. Les perquisitions menées à son domicile ont aussi permis de savoir qu'Andreas Lubitz avait vu récemment plusieurs médecins, mais que ceux-ci n'avaient pas décelé ses tendances suicidaires. Le copilote était-il vraiment guéri? Pourquoi consultait-il? Que savait son employeur de ses antécédents? Les questions ce soir sont toujours aussi nombreuses. Il avait replongé. Le jeune homme courait les médecins, les neurologues, les ophtalmos. Il accumulait les diagnostics et entassait les ordonnances. Voilà ce qu'ont révélé les perquisitions réalisées à son domicile et chez ses parents. Des médicaments, des antidépresseurs, des somnifères sont retrouvés chez lui. Dans la foulée, le quotidien populaire allemand Bild, qui a mis plusieurs journalistes sur le coup pour tenter de cerner la personnalité du copilote, retrouve une ex-petite amie, une hôtesse de l'air avec qui il a entretenu une relation pendant 5 mois, en 2014. Elle raconte les deux facettes d'Andreas. Un garçon souriant, gentil et attentionné la plupart du temps, mais qui peut aussi s'énerver d'un coup, comme ça, au milieu d'une conversation et au milieu de la nuit. Et même, il lui faisait peur. Lorsque j'ai appris cet accident, je me suis souvenu d'une phrase qu'il avait prononcée. Un jour, je ferai quelque chose qui changera le système, et alors tout le monde connaîtra mon nom et s'en souviendra. Selon cette femme, Andreas Lubitz suivait un traitement psychiatrique au long cours en raison de troubles du comportement. Elle reconnaît d'ailleurs l'avoir quitté pour cette raison-là. Il devenait de plus en plus clair qu'il avait un problème. La nuit, il se réveillait et criait « Nous tombons !» en proie à des cauchemars. Cette ex-petite amie, hôtesse de l'air de la compagnie Germanwings, explique aussi qu'Andreas Lubitz était bien conscient de sa maladie, mais qu'il refusait d'en parler, qu'il l'a dissimulée volontairement pour ne pas briser sa carrière. S'il a fait ça, c'est parce qu'il a compris qu'à cause de ses problèmes de santé, son grand rêve d'un emploi à la Lufthansa comme capitaine et comme pilote de long courrier était pratiquement impossible. Jeudi 2 avril 2015, enfin la seconde boîte noire est retrouvée. Enfouie sous cette poussière d'ardoise de la même couleur, elle a longtemps échappé aux équipes de recherche. Alors cette deuxième boîte, c'est le Flight Data Recorder, la boîte qui contient les données de vol. Elle va pouvoir compléter les enregistrements audio de la première boîte noire, celle qui enregistre les conversations. Et elle apporte une deuxième preuve de la détermination du copilote, qui n'a laissé aucune place à l'improvisation ou au hasard dans ses manœuvres. Alors, et dès lors, un scénario complet se dessine. Même si cette analyse ne fait que commencer, il y a 1300 paramètres à étudier, eh bien, il y a déjà des éléments qui ont été communiqués par le BEA. Tout d'abord, on a appris que le pilote avait modifié le pilotage automatique pour le mettre en mode descente, pour faire en sorte qu'il atteigne une altitude de 30 mètres de manière à frapper de plein fouet la montagne. Ensuite, on a appris que le pilote avait modifié à plusieurs reprises la vitesse du pilote automatique de cette descente, comme s'il fallait en finir au plus vite. C'est tout ce qu'a communiqué le BEA pour l'instant. L'analyse ne fait que commencer, mais c'est déjà énorme. L'acte délibéré ne fait plus guère de doute. Andreas Lubitz a donc bien tourné manuellement le sélectionneur d'altitude de plusieurs crans pour le régler sur 30 mètres. Puis il a corrigé la vitesse pour la maintenir à 700 km/h. Et quelques jours plus tard, le bureau d'enquête et d'analyse apporte d'autres précisions. Lors du vol aller, le matin même, vers 7h20, le copilote s'était déjà entraîné en répétant le geste du réglage du sélectionneur d'altitude, et à deux reprises. Et bien sûr, durant l'absence du pilote, il avait positionné l'altitude sur 30 mètres avant de revenir à une sélection d'altitude normale. Le geste, bref, passe inaperçu, une préparation minutieuse. Au même moment, les tablettes et appareils électroniques du pilote récupérés lors des perquisitions commencent à parler et à révéler son cheminement des jours précédents à travers ses recherches sur Internet. Le 18 mars, 6 jours avant le crash, Lubitz recherche la quantité de somnifères nécessaires pour provoquer la mort. Puis ses recherches ciblent des substances chimiques, le cyanure, la chloroquine, le valium, associés à des mots-clés comme « sans ordonnance ». Le 19 mars, il tape « suicide train » dans sa barre de recherche. Le 20 mars, il se renseigne sur les codes des portes de cockpit. Enfin, le 23, veille du crash, il consulte des pages sur les directives anticipées. Ce même 23 mars, où il est sorti faire quelques courses en attendant le retour de sa compagne Catherine, avant de préparer un dîner ensemble, puis de s'installer tranquillement devant la télé. Une ultime soirée, qui ne laissant rien présager son projet fou du lendemain, projetait son avion contre la montagne. Des dizaines d'hommes, secouristes et enquêteurs, ratissent encore ce couloir montagneux contre lequel l'Airbus A320 s'est écrasé. L'un après l'autre, les débris, quelle que soit leur taille, sont récupérés et rassemblés dans ces immenses sacs blancs, ensuite acheminés par hélicoptère en contrebas du massif. Il y a là des morceaux de carlingue déchiquetée, une roue, un train d'atterrissage. Près de 50 tonnes de matériaux ont ainsi été récupérées. 90% du site a déjà été nettoyé. 3 semaines après le crash, des dizaines de gendarmes et militaires s'activent encore sur le site. Les recherches ADN continuent. Dans le village, la pression médiatique est un peu redescendue. Au Vernet, le hameau le plus proche du vallon des Galèbres, où s'est écrasé l'Airbus, une bannière réunit les drapeaux des 18 nations touchées, à côté d'une stèle commémorative dédiée aux victimes. Des Colombiens, Vénézuéliens, Mexicains, Chinois, Iraniens, Australiens, Kazakhs se trouvaient dans l'avion, aux côtés de 45 Espagnols et de 67 Allemands. Parmi eux, 16 lycéens et 2 professeurs qui revenaient d'un échange scolaire en Espagne. Les familles, bouleversées, défilent encore régulièrement sur ces lieux de commémoration des années plus tard. Le choc est immense. Personne ne comprend comment cet homme a pu entraîner la mort de 149 personnes en voulant la sienne, comme si ces vies-là n'avaient eu aucune importance. En réalité, les enquêteurs sont en train de découvrir qu'Andreas Lubitz s'était pris dans une spirale, et depuis plusieurs mois. En remontant le fil de ces nombreuses ordonnances découvertes lors de la perquisition, ils comprennent qu'un trouble est apparu à la fin de l'année 2014. Le pilote se disait assailli par des flashs lumineux qui ne lui permettent pas de voir les objets, 20-30% seulement selon le diagnostic posé par l'hôpital universitaire de Düsseldorf. Un trouble de la vision pour un pilote, c'est un signal grave, évidemment, et qui peut faire basculer une carrière. Lubitz est obsédé par ses problèmes de vue. Il devient à nouveau insomniaque et enchaîne les consultations. Avant Noël, un premier diagnostic tombe. Il serait atteint de DMLA, une maladie dégénérative qui peut, au pire, rendre aveugle. Mais d'autres spécialistes infirment très rapidement ce diagnostic. Ils cherchent, mais ne trouvent aucune raison physiologique à ce trouble. Pourtant, le mal persiste. L'angoisse du jeune homme grandit. Il sait que le 10 juin, il doit passer une batterie de tests médicaux pour renouveler sa licence de pilote. Autant les troubles psychiques peuvent être dissimulés, autant une perte de vision, c'est impossible. Le 12 juin 2015, 2 mois et demi après le crash, une nouvelle conférence de presse du procureur de la République de Marseille dévoile l'emballement qu'a vécu Andreas Lubitz les derniers mois avant le crash. Il a consulté en un mois, entre le 21 février et le 22 mars, à 7 reprises des médecins, à un médecin généraliste, 3 visites chez un psychiatre et 3 visites chez un ORL. Il a d'ailleurs indiqué à l'un de ses médecins avoir consulté de nombreux ophtalmologues et de nombreux neurologues. Il faut savoir que sur les 5 dernières années avant le crash, il a consulté 41 médecins différents. Dans un courriel adressé à un médecin le 10 mars 2015, il indique ne plus dormir que 2 heures par nuit. Il sollicite une aide de toute urgence pour retrouver le sommeil et il précise qu'il prenait de la mirtazapine, qui est un antidépresseur, qu'il avait même doublé la dose, passant de 15 mg à 30 mg, car ça ne lui faisait pas d'effet, mais que cela n'avait malheureusement pas amélioré son sommeil et sa crainte de devenir aveugle qui malheureusement persistait. Dès la réception du mail qu'évoque le procureur, son psychiatre pose ce diagnostic, soupçon de psychose menaçante. Consulté 2 fois les 10 et 12 mars, à son tour, son médecin généraliste confirme. Il lui a prescrit un arrêt maladie couvrant la période du 12 au 30 mars. Or, le jour du crash, c'était le 24 mars. Pire encore, le 16, lorsqu'il rencontre son psychiatre, ce dernier lui délivre à son tour un arrêt travail à effet immédiat et valable jusqu'au 29 mars. Dans sa fiche patient, il écrit pourtant ce jour-là « Pas de délire, pas d'hallucination, pas de tendance suicidaire ». Les 2 arrêts de travail ont été retrouvés déchirés dans la corbeille à papier de la chambre de Lubitz lors des perquisitions. Les médecins auraient-ils dû alerter la compagnie aérienne de ces arrêts de travail ? Non, en raison du secret médical. La loi allemande oblige seulement le pilote à se déclarer inapte au vol lorsqu'il se voit délivrer un arrêt de travail. Or, Andreas Lubitz n'en a rien fait. Selon le procureur de Düsseldorf, il a bien cherché à dissimuler son état de santé à son employeur et à son environnement professionnel. Jeudi 18 juin 2015, le parquet de Marseille annonce l'ouverture d'une information judiciaire contre X pour homicide involontaire. Le droit pénal interdisant d'ouvrir une information pour assassinat puisque l'auteur des faits est décédé. Le procureur Brice Robin explique sa démarche. On est légitimement en droit de s'interroger sur les raisons qui ont permis à un homme déjà suivi pour des troubles d'ordre psychiatrique de piloter un avion, alors que les certificats médicaux d'aptitude imposaient un examen médical spécifique régulier pendant 5 ans, alors qu'il prenait visiblement des antidépresseurs, alors qu'il avait consulté à 7 reprises des médecins dans le dernier mois, dont à 3 reprises un psychiatre. Mais malheureusement, ils n'ont pas fait remonter l'information en raison, comme vous le savez, du secret médical, car en effet, ce n'est pas obligatoire. Cette enquête doit mieux comprendre l'équilibre entre le secret médical et la sécurité des vols. Pour l'instant, tout ce qu'on sait, c'est qu'il a consulté des médecins privés que ces médecins privés étaient visiblement au courant de son état de santé, entre guillemets, défaillant. Mais on n'a absolument pas dans le dossier pour l'instant la certitude que la Germanwings ou que Lufthansa étaient au courant de cette information-là. Un an après le drame, le BOA prend position sur la question du secret médical dans le cas d'un pilote de ligne dépressif. Pour les experts, les médecins devraient avoir l'obligation d'informer les autorités si l'état de santé d'un patient a de fortes chances d'affecter la sécurité publique. Mais pour l'ordre des médecins, briser le secret médical est impensable. Les pilotes affectés n'oseraient plus consulter, ou bien cacheraient leur profession, et les effets pourraient être pires que le remède. Finalement, le crash a soulevé une question, celle de la confiance accordée aux pilotes à qui l'ont confié nos vies. Mais aucune réponse ne peut garantir une totale sécurité aux passagers sur ce point. Andreas Lubitz souhaitait intégrer le cercle fermé des pilotes long courrier. Il a échoué. Il souhaitait un coup d'éclat pour marquer les esprits. Il l'a fait en détruisant des vies. Et sans jamais expliquer son geste, ni à sa petite amie, ni à sa famille, pas de lettre de lui à lire après le drame, à rien. Le 3 mars 2022, après 7 ans d'enquête, une ordonnance de non-lieu est rendue. Le suicide-homicide n'était pas prévisible, personne n'aurait pu l'en empêcher, ont conclu les juges. Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Aujourd'hui, le crash de la Germanwings, dont nous allons parler avec notre invité Michel Polacco. Bonjour. Bonjour Fabrice. Alors, journaliste à France Info et à France Inter, pendant des années, vous nous avez raconté des histoires d'avions, vous nous avez tant éclairé sur l'aéronautique, l'accidentologie, l'Espagne. Bref, vous êtes un passionné et vous savez tout sur tout ce qui vole. Alors, on va parler donc de ce qui n'est pas un accident, qui est un crash volontaire. Durant votre carrière, vous avez été déjà confronté à ce genre de crash qui n'est pas un accident, mais un crash volontaire ? Oui, j'en ai connu quelques-uns. J'ai connu le cas de cet avion ATR-42 au Maroc, à bord duquel se trouvaient un commandant de bord et une femme copilote. Le commandant de bord avait des soucis sentimentaux et il a décidé de se suicider peu après le décollage en précipitant son avion sur les reliefs de l'Atlas. Et cette pauvre copilote poussait des hurlements, le suppliait et faisait tout ce qu'elle pouvait pour l'empêcher. Et lui a appuyé très fortement sur le manche jusqu'à ce que l'avion d'abord s'abîme en vol et ensuite s'écrase sur la montagne. Il n'y a eu aucun survivant. Je pense aussi à un Boeing 767 de la compagnie Égyptaire, où dans des conditions un peu semblables à celles de Germanwings, pendant un moment d'absence du commandant de bord, le copilote a fermé la porte et a précipité son avion dans l'océan. Il y a eu une douzaine de cas de suicide de pilotes dans ces 50 dernières années qui ont débouché environ 5 fois sur des catastrophes aériennes. C'est évidemment beaucoup trop. Et en même temps, si on considère qu'il y a actuellement, par exemple, environ 35 millions de vols par an, il est évident que sur 200 millions de vols, 250 millions de vols, une dizaine de cas ou 5 cas, c'est très très peu. Bien sûr, c'est... Mais il est vrai que ce sont des cas qu'on ne sait pas éviter aujourd'hui. Bon, alors il y a l'accidentologie, a, cela dit, une vertu. Bon, c'est d'abord un drame, hein, mais une vertu, c'est le retour d'expérience, hein, c'est qu'elle nous enseigne. Quelles leçons on a tirées de cette affaire-là ? Puisque là, pour le coup, on n'est pas dans un problème technique, on n'est pas dans un problème d'aiguilleur du ciel, on est dans un problème humain, purement humain. Qu'est-ce qu'on en a retiré ? Alors, effectivement, vous avez bien fait de préciser ces choses-là, parce que quand on a affaire à des problèmes techniques, il est beaucoup plus aisé, une fois qu'on a compris les causes, d'en tirer des enseignements et de trouver des remèdes. Lorsqu'il s'agit de questions humaines et de facteurs humains, c'est beaucoup plus difficile. Alors, depuis une cinquantaine d'années, on a fait beaucoup de progrès sur l'entraînement des équipages, l'entraînement des contrôleurs, sur la rigueur du travail des mécaniciens au sol ou en vol. On a fait beaucoup de travail sur le comportement des groupes d'hommes, donc les, par exemple le comportement des équipages entre eux. Vous savez que la plupart des pilotes ne connaissent pas les copilotes avec qui ils volent, et réciproquement, parce qu'ils sont très nombreux dans la plupart des compagnies. Mais si vous voulez, on a appris depuis une quarantaine d'années environ à employer des procédures, des méthodes de travail extrêmement rigoureuses, de telle manière qu'on puisse mettre ensemble des gens qui ne se connaissent pas et qui emploient exactement les mêmes méthodes, exactement les mêmes procédures et qui donc sont capables de travailler avec beaucoup de rigueur ensemble. Mais par exemple, sur l'aspect psychologique des êtres humains, on a fait peu de progrès et même depuis l'accident de la Germanwings, les examens médicaux tiennent beaucoup plus compte de la psychologie et du passé psychologique ou psychiatrique des candidats pilotes ou des pilotes. Mais c'est extrêmement difficile quand on pose des questions à quelqu'un de s'assurer qu'il répond la vérité et qu'il n'a pas consulté des médecins de ville comme c'était le cas d'Andreas Lubitsch. Donc, si vous voulez, sur la gestion de la psychologie, de la psychiatrie, des perturbations, des troubles dépressifs humains, on n'a pas fait beaucoup de progrès et c'est un vrai souci. Aujourd'hui, la médecine, lorsqu'on passe les visites médicales, demande de s'engager par écrit sur des formulaires très très complets sur son état de santé. Mais les moyens de vérification sont quasiment inexistants, car il n'y a pas de passerelle entre la médecine de ville et la médecine aéronautique. Et vous savez que la médecine de ville, dont vous avez parlé tout à l'heure, elle veut absolument préserver son secret médical. Eh oui. Et d'ailleurs, l'enquête du BEA qui a eu lieu après l'affaire de la Germanwings a permis d'interroger les médecins experts aéronautiques. Mais les médecins de ville, pour la plupart, qui avaient été vus par Andreas Lubitsch, ont refusé de répondre aux questions des enquêteurs. Et je me disais que on a connu un temps où les cockpits étaient occupés par quatre personnes, hein, un pilote, un copilote, un mécanicien. Et même cinq. Alors on imagine qu'à cinq, ce genre de drame est impossible. Alors ce genre de drame, évidemment, était certainement beaucoup plus difficile quand vous aviez un commandant de bord, un copilote, un mécanicien navigant, un radio et un navigateur. Et c'est un minimum, parce que sur les avions les plus anciens, il y avait même quelquefois plusieurs mécaniciens, l'un pour les moteurs, l'autre pour la cellule, etc. Il est bien évident que tout le monde surveillait tout le monde et qu'il y avait plusieurs personnes capables d'intervenir sur un personnage commettant des gestes inconsidérés. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec des équipages à deux, hein, on va dire des équipages à deux, c'est beaucoup plus difficile de permettre une surveillance. Et d'ailleurs, les mesures qui ont été prises après la catastrophe de la Germanwings, qui ont consisté à dire il faut qu'il y ait deux personnes dans le cockpit, sont des mesures qui ont montré leurs limites. ça amène à mettre dans le cockpit des gens qui ne sont pas obligatoirement des gens, je dirais, de confiance, hein, parce qu'après tout, pourquoi avoir plus confiance dans un steward, une hôtesse, que dans un copilote, vous voyez, c'est... Il n'y a pas de règles qui permettent de s'en assurer. Deuxièmement, une deuxième personne aura-t-elle la puissance, la force musculaire pour lutter contre quelqu'un qui a envie de se suicider? Je vous ai cité le cas de cet équipage marocain où la femme copilote a tordu le manche. Hein, vous vous rendez compte, c'est assez inouï. C'est-à-dire, c'est le métal qui a été tordu. Et malgré ça, elle n'a pas pu empêcher la catastrophe. Si vous voulez, on n'a pas trouvé vraiment la solution. Ouais. Alors, on l'a dit, Michel Polaco, c'est comme une règle. Un crash d'avion, c'est soit une responsabilité humaine, soit une responsabilité technique. Même si le risque zéro n'existe pas, n'existera jamais, diriez-vous que nous sommes aujourd'hui quand même arrivés à un niveau de sécurité quasi maximal? Et s'il y a encore des progrès à faire, ce serait dans quel domaine? On tire dans l'aéronautique les enseignements de tous les incidents, accidents bien sûr, mais il y en a très peu, mais de tous les incidents qui se produisent au quotidien dans toutes les structures qui exploitent des aéronefs, des avions, des ballons, des hélicoptères, des drones, etc., etc., etc. Et on peut dire que l'aéronautique est aujourd'hui le domaine dans lequel l'exploitation de tous les éléments qui participent à la sécurité est maximale. On pourrait comparer éventuellement le nucléaire, le domaine du nucléaire avec ça, mais c'est tout. Et encore, c'est un maximum. En revanche, il est sûr que même avec 4 ou 5 catastrophes par an, les mauvaises années, avec 37 millions de vols, ce qui est gigantesque, mais oui. On peut considérer qu'on est arrivé à un niveau maximal de sécurité. En fait, c'est faux, parce que quand on regarde dans le détail les 3, 4, 5 accidents, catastrophes qui se produisent chaque année, on s'aperçoit que ce sont des événements pour lesquels on aurait pu trouver des parades si on avait été capable de mettre en place des systèmes d'anticipation. Et il est vrai qu'avec l'évolution des automatismes, avec la mise en place et l'utilisation de l'intelligence artificielle, le tout encadré par l'homme, bien sûr, parce que l'homme est indispensable dans la boucle, on devrait pouvoir trouver des systèmes qui fixent des limites. Par exemple, si à un moment donné, un dispositif animé par une certaine forme de savoir, donc on va dire d'intelligence artificielle, estime qu'un avion va aller à une catastrophe, il pourrait très bien décider de se dérouter, comme on sait le faire déjà maintenant, avec des appareils tout à fait modernes et qui ne sont pas encore en service dans le transport aérien, de dérouter l'avion vers un aéroport sûr, dans des conditions sûres, et en retirant, par exemple, la capacité à l'équipage d'activer les gouvernes, sachant que cet équipage serait soit fou, soit terroriste, soit criminel, etc. On peut imaginer des choses comme ça pour, je vous le dis, soigner peut-être 2 cas, 3 cas sur les 5 cas qui se produisent dans le monde chaque année. À bientôt, merci, merci infiniment. À bientôt, merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le crash volontaire de l'avion de la Germanwings, une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Guillaume Fichot.